Je recommence un petit peu à écouter ce que le monde parle dans ce qui a été appelé le supramental. Je recommence à regarder ça parce que c'est sûr que des fois je m'attarde à d'autres affaires que bon, peut-être que c'est pas ça que je devrais me mêler tant que ça. Mais il reste que bon, je regarde encore, j'écoute. J'écoute des gens qui parlent, des gens qui ont des chaînes là. Je regarde voir ce que ça me fait. Je regarde ce que ça me fait. Voir, ça va-tu me restarter? Ça vient-tu à bout de me faire. Il y en a une, là, elle disait, si vous êtes trop dans l'intellect, ça va vous couper d'expérience que pourrait vous proposer l'esprit. J'écoutais ça, je me disais, de quoi elle parle, là? Le principe de l'esprit, là, c'est actif, ça, là. C'est un principe actif, c'est lié au réel, ça, là. Ça propose pas. De quoi elle parle? C'est ça, moi, qui me choque. Comment voulez-vous que je sois pas en colère d'entendre des conneries de même? C'est quoi le principe de l'esprit? Comment ça se fait que c'est lié à l'événementiel de votre vécu? Comment ça se fait que c'est un principe actif large, tellement, tellement large, tellement vaste que c'est lié au contexte? Tandis que l'âme est plus intrinsèquement liée à votre vécu, puis est rattachée à votre ego, mais l'esprit, ça, c'est vaste. Hein? Jusqu'à un certain point, l'esprit, c'est tout ce qui est intelligent, puis qui est en dehors de votre conscience, quelque part. Dès que vous avez des fulgurances ou des éclairs de lucidité, c'est comme un contact avec quelque chose de nouveau. C'était tout lié à ça, le principe de l'esprit. Depuis quand que l'esprit, il va proposer des expériences? Depuis quand que ce qui est lié au réel n'a pas une politique du fait accompli? Puis depuis quand que, dans le fond, plus vous coupez de ça, puis plus vous allez être rentré dedans? Dans le fond. Parce qu'on n'y échappe pas. On est en contact avec, qu'on le veuille ou pas. De l'esprit, il y en a tout le temps. Ça fait partie du dynamisme de tout, dans le fond. Qu'est-ce qui faisait qu'il y en a que leur vie, c'était, ils ont appelé ça de la vie des saints. Pourquoi il était question de la Saint-Esprit puis des affaires de même, ça va encore plus loin. Parce que, jusqu'à un certain point, il y en a, ils voudraient être menés par l'esprit, ils voudraient consulter l'esprit pour tout. C'est pas ça le contact. C'est pas ça. Si vous êtes obligé de questionner quelque chose qui vous explique de quoi, c'est pas être moins dans l'intellect. Ça, c'est quoi ça? C'est pas parce que ça a l'air de venir d'en dehors que c'est pas de l'intellect. C'est pas parce que c'est irrationalisable quelque part tellement ça a pas d'allure que c'est un contact avec quelque chose de subtil, un principe cosmique. C'est quoi ces niaiseries-là? On peut-tu revenir sur le plancher des vaches un peu? Toutes tous les exemples qui sont donnés, ils sont pas dans le concret du plancher des vaches parce que, au niveau du contexte, c'est trop vague. C'est trop vague. C'est spécifique l'expérimental. C'est spécifique l'expérimental. C'est contextuel. C'est individuel, la conscience. Puis, au niveau de l'esprit, lui, il a tout le temps un contact avec vous. Même si au niveau de votre conscience, vous pouvez avoir l'impression de ne pas en avoir. Dans le sens que de l'expérience en dehors de vous, ça n'existe pas. Mais de l'intelligence en dehors de vous, ça fait partie de votre expérience. Puis ça fait partie, sinon il n'aurait pas d'expérience.